Découvrez un parcours d'accompagnement unique pour trouver sa voie en écoutant le podcast Cap Artisanat des Chambres de Métiers et de l'Artisanat. Vous avez moins de 26 ans et n'avez pas d'emploi? Vous cherchez un métier d'avenir? Le dispositif Cap Artisanat est peut-être la solution. Écoutez le podcast Cap Artisanat. Un podcast à retrouver sur cap-artisanat.fr et les plateformes dédiées. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat. Chaque jour à vos côtés. Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus. Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Cinquième épisode, la grâce présidentielle. L'année 1898 commence pour Alfred Dreyfus par la réception, après 2 mois d'attente, des lettres de Lucie d'octobre et de novembre 1897 qui laissent espérer un dénouement rapide et heureux de l'affaire. Malheureusement, il faudra attendre plus d'une année encore pour que la révision du procès soit acceptée. Paris, 17 mars 1898. Mon bien cher Alfred, je lis et relis bien souvent tes bonnes lettres. Malgré leur très grande tristesse, l'impression si pénible, si angoissée qui s'en dégage, il me semble t'entendre me parler. Cela est si bon, si doux, que cela me fait du bien, cela me réconforte. Tu sembles croire, mon chéri, que nos efforts n'ont pas abouti et que depuis 3 ans nous avons vainement cherché la vérité. Je puis te dire bien heureusement que tu te trompes totalement. La lumière s'est faite, continue à se faire, et dans un temps bien rapproché, elle se fera brillante aux yeux de tous. Nous avons été longs, cela est bien vrai. 3 ans pour nous tous qui souffrons, pour toi surtout qui supportes un martyr sans nom, cela vaut 1 siècle, c'est effroyable en réalité. Les 2 premières années ont été particulièrement atroces, nous étions dans la nuit noire. Mais maintenant, si tu savais comme notre fardeau est moins lourd, quelles montagnes nous avons soulevées, et comme le chemin à parcourir est infiniment plus court que celui que nous avons suivi. Quand je pense aux ténèbres dans lesquelles nous étions et dont toi, pauvre cher ami, tu n'as pu te rendre compte, je me sens tout allégée, tout heureuse de l'immense pas que nous avons franchi. Et j'espère de toutes mes forces, avec la plus grande, la plus entière confiance, que bientôt, dans très peu de temps, la vie nous redeviendra belle, et les souffrances, les tortures que tu auras endurées s'éloigneront bien vite et ne seront plus qu'un horrible souvenir, un odieux cauchemar. Ah, j'ai un sentiment si profond que bientôt nous serons heureux. Je voudrais tant te communiquer cette certitude. Je sais si bien que ton innocence va être reconnue, va éclater. C'est une espérance formelle, certaine, que je voudrais partager avec toi. Je t'en supplie, aie foi en moi, conserve ton courage. Je te jure que nous allons arriver à ta réhabilitation, que rien ne pourra entraver la marche de la vérité. Elle est trop près de se faire connaître entière, elle est trop forte, trop pure, trop évidente pour qu'aucune volonté humaine l'empêche de se manifester. Tu as été sublime de courage, de force, de volonté héroïque dans ton martyre. Encore un peu de patience. Nous approchons du terme de nos souffrances et nous entrevoyons tout près maintenant le moment bienheureux où tu pourras apprendre que tu es réhabilité. Maintenant, quant aux démarches que tu me prescris, que tu me demandes de faire, je tiens à te rassurer entièrement à ce sujet. Nous ne négligeons rien, tout ce que nous considérons comme utile, comme étant d'une efficacité quelconque, nous nous empressons de le réaliser. Les enfants vont très bien, ils sont toujours bien doux, bien gentils, bien affectueux. C'est un bonheur de les voir se développer, grandir et se fortifier. Ils sont tous deux solides et bien bâtis. Ils n'ont jamais passé un aussi bon hiver. Ils sont encore bien jeunes, heureusement, et ne me donnent aucun souci sérieux. J'espère que cette longue lettre te rapportera un peu de calme, de confiance. L'espoir que j'ai en un avenir bon et très proche est si immense que j'ai l'illusion de t'avoir fait partager ma foi. Ai-je réussi? Je le souhaite de tout mon cœur. Je t'embrasse comme je t'aime, bien tendrement, bien profondément. Lucie. Paris, 29 octobre 1898. Mon bien cher Alfred, enfin, après des angoisses terribles, des espérances folles, des désillusions, j'apprends l'arrêt de la Cour de cassation, décision bienheureuse, l'ouverture du procès en révision, la première étape de la réhabilitation. Ma demande en révision est déclarée recevable par la Cour suprême et une enquête est ordonnée pour mettre en état toutes les questions qui n'ont pas été approfondies. C'était notre vœu le plus cher. Nous voulions l'éclatante lumière et quoique ce moyen soit plus long, nous aimons mieux supporter quelque temps encore cette situation douloureuse afin d'arriver à une solution si nette, si évidente que personne au monde ne puisse plus protester. Nous savons que ta pensée est commune à la nôtre et que pour recouvrer ton honneur dans tout son éclat, tu es prêt à prolonger encore un peu tes souffrances. Enfin, tu vas être prévenu. Enfin, tu vas apprendre cette bonne et heureuse nouvelle. Que ne donnerais-je pour assister à ta joie, pour voir le premier sourire sur ta figure aimée, pour te préparer doucement, bien doucement à toutes ces émotions et t'accompagner de ma tendresse. Mon Dieu, quel bonheur, quelle joie folle pour toi, pour nous tous. Mon cœur bat à se rompre à une telle pensée. Que sera-ce quand nous serons dans la réalité? C'est trop beau. On ne peut pas se représenter une telle joie. Et les petits, qu'est-ce qu'ils diront quand ils verront leur papa chéri? Ils savent maintenant que je suis plus contente. Ils me voient moins triste. Ils ne cessent de me parler de toi, faisant toutes sortes de projets pour ton retour. Que de choses nous aurons à nous dire. Que de sujets inépuisables. Et surtout que de choses à oublier, que de crimes, que de lâchetés commises dont nous préférerons ne pas parler. Nous retiendrons les beaux dévouements. Nous nous souviendrons de nos admirables amis. Et nous n'aurons pas assez de paroles, pas assez de nos vies pour les estimer. Pour les aimer. Je souhaite de toutes mes forces que cette lettre ne te parvienne plus. J'espère que lorsque le courrier arrivera dans cette île sinistre, tu l'auras quittée et que tu seras en route pour notre chère France. Dieu veuille que ce ne soit plus long et que nous trouvions enfin le bonheur. Je t'embrasse comme je t'aime, de toutes les forces de mon cœur. Lucie. Île du Salut, 25 novembre 1898. Ma chère Lucie, dans le milieu du mois, j'ai été informé que la demande de révision de mon jugement avait été déclarée recevable par la Cour de cassation et invitée à produire mes moyens de défense. J'ai pris immédiatement les mesures nécessaires. Mes demandes ont été aussitôt transmises à Paris et depuis quelques jours déjà, tu dois en être informé. Les événements doivent donc se précipiter actuellement. Par la pensée, je suis nuit et jour, comme toujours, avec toi, avec nos enfants, avec tous, partageant votre joie de voir arriver à grands pas le terme de cet épouvantable drame. Les mots deviennent impuissants à décrire des émotions aussi profondes. Il ne nous reste plus d'ailleurs que quelques semaines à attendre pour pouvoir enfin, dans notre affection mutuelle, dans celle de nos enfants, dans celle de tous, trouver l'oubli de nos longues peines. D'après le renseignement que je t'ai déjà communiqué par le précédent courrier, tout sera terminé dans le courant de décembre. Alfred. Dans ses mémoires, le capitaine Dreyfus rapporte. Le lundi 5 juin 1899, à midi et demi, le surveillant-chef vint précipitamment dans ma case et me remit la note suivante. Veuillez faire connaître immédiatement, capitaine Dreyfus, dispositif cassation ainsi conçu. La Cour casse et annule jugement rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris et renvoie l'accusé devant le conseil de guerre de Rennes, etc., etc. Dit que le présent arrêté sera imprimé et transcrit sur les registres du premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris en marge de la décision annulée. En vertu de cet arrêt, le capitaine Dreyfus cesse d'être soumis au régime déportation, devient un simple prévenu, est replacé dans son grade et peut reprendre son uniforme. Croiseur Sfax part aujourd'hui de Fort-de-France avec ordre d'aller chercher prévenu Île-du-Diable pour le ramener en France. Communiqué à capitaine Dreyfus, dispositif arrêt et départ Sfax. Ma joie fut immense, indicible. J'échappais enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant 5 ans, souffrant le martyre pour les miens, pour mes enfants autant que pour moi-même. Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inexprimées. L'aube de la justice se levait enfin pour moi. Après l'arrêt de la cour, je croyais que tout allait en être fini, qu'il ne s'agissait plus que d'une simple formalité. Jeudi 22 juin 1899. Mon bon chéri, je veux que tu reçoives un mot de moi à ton arrivée et que tu saches que je suis là, tout près de toi, dans la même ville, le cœur battant de joie et d'émotion à l'idée que je vais te voir, t'embrasser, et que nous allons éprouver tous deux une de ces secousses morales si grandes, si fortes, que l'on se demande comment le corps humain peut résister à de si terribles ébranlements. Comment pourrais-je te dire ce que j'ai ressenti le jour où j'ai reçu ta dépêche me prévenant de ton départ? J'étais si joyeuse que je croyais vivre un rêve. Tout se transformait en moi. Je commençais à vivre, après de si longues années passées et le cœur mutilé. Et toi, quel soulagement tu as dû avoir en quittant cette île maudite, et combien ont dû te sembler bons ces premiers moments où tu t'es senti presque libre, t'acheminant vers la patrie. Comme j'aurais voulu faire avec toi cette route que j'ai suivie bien souvent par la pensée. J'ai une impression si douce en songeant que chaque heure, chaque minute te rapproche de moi, et qu'enfin nous allons nous retrouver dans les bras l'un de l'autre, après cette atroce et interminable séparation. Quel bonheur, mon Dieu! Puis encore une étape à franchir, celle du conseil de guerre, et nous serons délivrés de cet épouvantable cauchemar. Ce sera encore une terrible épreuve pour toi, mon pauvre ami, mais j'ai confiance. Je sais que tu la supporteras vaillamment avec la sérénité que donne une conscience pure. Je vais donc quitter nos bons chéris le samedi 24. Je les laisserai aux soins de Marie. J'ai l'autorisation de te voir et j'accourrai aussitôt que le commandant de la prison me le permettra. Je t'embrasse de toutes mes forces comme je t'aime. Lucie. Mémoire d'Alfred Dreyfus. L'ouverture des débats fut fixée au 9 août. Je dus ronger mon frein. J'étais impatient pour ma chère femme que je sentais épuisée par ses continuelles émotions comme pour moi-même de voir arriver le terme de cet effroyable martyr. J'étais impatient de revoir mes chers et adorés enfants qui ignoraient encore tout, et de pouvoir, dans la tranquillité entre ma femme et eux, oublier toutes les tristesses du passé